Merci. La dernière fois, dans le Palasport de Paris, nous avons joué The Lamb Lies Down on Broadway. And maintenant, ce soir, nous allons jouer le petit peu The Lamb Lies Down on Broadway. Qui s'appelle Carpet Calls. Thank you.